Outre-mer, Grantin en mer, à bord du août 1893. L'énorme bateau, il a 3 cheminées, il jauge plus de 10 000 tonnes, et sa vitesse moyenne est de 500 milles par jour. Marche à toute vapeur sur l'énorme mer. Ce ciel d'une après-midi du mois d'août pèse sur l'Atlantique, avec des nuages d'automne. C'est comme un couvercle bas et gris sous lequel, infatigablement, monotonement, la houle enfle et se boursouffle. Une houle grise terne opaque comme ce ciel et dont les lames montent s'escaladant, s'écrasant les unes les autres. Une seconde, et quand l'une d'elles se dresse toute haute, l'eau plus mince et comme écorchée de la cime se teinte de vert, une frange d'écume ondule blanche et souple, puis la crête mobile s'écroule, le mur d'émeraude s'abat en un lourd paquet d'eau saumâtre sous l'enflure d'une autre lame. Elles sont des milliers et des milliers ainsi soulevées, déchaînées, heurtées dans la frénésie d'une bataille retentissante que domine parfois le passage d'un oiseau, ailes ouvertes, noires sur le ciel gris, en train de chasser dans le vent et dans la tempête. Le bateau, lui, est si puissant qu'il déchire cette formidable palpitation de la mer, s'enrouler et s'entanguer. Il donnerait, dans son plancher, demeure solide, l'idée d'un cauchemar fantastique. L'immobilité dans la vitesse n'était que son armature de métal frémie de vibrations ininterrompues. C'est un de ces 5 ou 6 paquebots que les marins appellent des lévriers de la mer. Il le mérite, ce joli surnom, autant par ses proportions et par l'élégance de ses lignes, qui effilent en minceur son corps colossal, que par le train prodigieux de sa course. Nous sommes partis depuis bien peu d'heures, et déjà la côte d'Irlande s'efface, confondue avec le bord plombé du dôme de nuages qui cerne l'horizon. Encore quelques secousses de la double hélice, et il n'y aura plus pour toute une semaine autour de nous que l'abîme insondable des vagues, et là-bas, le nouveau monde. Comme il m'attire, moi, ce nouveau monde, et pour des raisons, sans doute assez étrangères, à celles qui entraînent de ce côté la plupart de mes compagnons de voyage. Le pavillon, sous lequel nous naviguons, porte en bleu sur son fond blanc l'aigle éployé des États-Unis. Il est américain, et la plupart des passagers le sont aussi. J'ai préféré, puisque je me décidais, une fois de plus, à quitter la France, couper le fil tout de suite, et me voici déjà en pays Yankee, sur ce pont où je n'entends plus que de l'anglais, un anglais nasillard où le mot « well » a remplacé le mot « yes » et revient sans cesse. J'ai déjà dû changer ma monnaie française et apprendre tout de suite que l'unité de dépense a sauté du franc au dollar, c'est-à-dire qu'elle a quintuplé. Ce sont les 2 toutes premières sensations d'expatriement. Et aussi l'inexprimable insolence d'allure des domestiques du bord, ou mieux des aides. Mais ne sais-je pas depuis longtemps qu'il n'y a pas de domestiques aux États-Unis ? Aucun peut-être de mes voisins, ils sont une centaine installés à l'air sur des chaises longues et des pliants, n'a même remarqué ces rien. C'est pour l'étranger le petit frisson de froid dont tremble le nageur qui s'élance de la berge. Si habitué soit-on à ce que le tragique et inquiet mot passant appelait la vie errante, il y a dans cette saute subite, hors de tout home, une vague sensation de mélancolie. Ou plutôt, car le mot serait bien gros pour un effet de simple resserrement nerveux, c'est comme une petite crise d'involontaire retour sur soi-même. On prévoit les 1000 contrariétés du déracinement, et l'on se demande pourquoi ce nouveau voyage, que vais-je chercher par-delà les mers, loin de mes amis, loin de mes livres, loin des paysages familiers de la terre où j'ai grandi. Hélas, ce n'est déjà plus cette terre qui s'évanouit là-bas dans la brume, puisque cette côte s'appelle le Land's End. N'importe, le cap de la Cornouaille appartenait encore à l'Europe. Son phare qui vient de s'allumer annonce sans doute le retour à d'autres voyageurs qui ont fait, pour des raisons ou pour d'autres, l'expérience que je vais tenter. Lorsque dans 8 ou 10 mois, si Dieu permet, je verrai cette même pointe de terre et cette même flamme se détacher sur l'horizon, aurais-je rapporté d'outre-mer une opulente boisson d'idées et d'images ? Me dirais-je que j'ai eu tort ou que j'ai eu raison de m'exiler de nouveau pour un si longtemps ? À ces 2 questions, d'après, je ne peux encore répondre, mais je vois nettement ma réponse aux 2 premières, aux questions d'avant. Ce que l'Amérique me donnera, je l'ignore. Ce que j'attends d'elle, je le sais très bien. Et je voudrais tracer en quelques lignes cette espèce de programme ou d'examen de conscience intellectuelle sur les premières pages de mon journal de route. Quand je rédigerai mes notes, s'en sera, je crois, la meilleure préface. Et c'est aussi la meilleure manière de tromper l'ennui du paquebot. Cette sensation que je connais trop bien, pour l'avoir tant subie sur les mers d'Orient, se vide à la fois et selon des jours. Il n'y a plus de temps en mer, plus de distribution des heures, plus d'émiettement de la vie. On est comme bercé, comme roulé par une puissance trop forte, et qui vous supprime et qui vous dissout votre volonté. Les infiniment petits de la vie, du bord et les songes d'idées très générales peuvent seuls vous aider à passer ces matins et ces après-midi d'une langueur presque végétative. J'essaierai des deux remèdes. Je commence par le second, qui correspond trop bien à la passion maîtresse de mon intelligence, à ce goût, à cette manie presque de ramasser des milliers de fêtes séparées dans le raccourci d'une formule. « Mais quiconque est loup agit sans loup », a dit un sage. « C'est une façon de penser et de regarder que c'est le là. » Elle doit avoir sa valeur comme elle a ses limitations. En tout cas, c'est mon impressionnisme à moi. Je ne puis être sincère qu'en y obéissant et m'excusant à l'avance auprès du lecteur qui voudra bien suivre ses notes pour cet abus de la réflexion abstraite. L'expatriement, ai-je écrit tout à l'heure, que ce mot est grossier et qu'il sonne faux. Je l'ai senti dans tous mes voyages, et je le sens plus encore à ce départ ici. On ne s'expatrie jamais. Si loin qu'on soit de sa terre et de toute terre, on n'a qu'à descendre, au plus intime de sa pensée, pour se retrouver citoyen, non pas du monde, mais du petit coin de sol dont on est issu. Ce qui m'attire en Amérique, ce n'est pas l'Amérique elle-même, c'est l'Europe et c'est la France, c'est l'inquiétude des problèmes où l'avenir de cette Europe et de cette France est enveloppé. Trois puissances sont aujourd'hui à l'œuvre pour le fabriquer, cet avenir, trois divinités aux mains brutales et inévitables comme celles des parcs. Et il nous faut bien reconnaître leur souveraineté sur tous les intérêts, comme sur toutes les entreprises du vieux monde. L'une est la démocratie, la seconde est la science. La troisième, la dernière apparue et la moins aisément nommable, c'est l'idée de la race. Vers quelques coins du continent que l'on se tourne, de Saint-Pétersbourg à Londres ou de Rome à Paris, on voit ces trois forces à l'œuvre, en train d'ébaucher les linéaments d'un monde nouveau. Du moins leurs spectateurs le prétendent, en train de détruire pièce par pièce l'antique édifice où la vie humaine s'est abritée depuis des siècles, sans rien dresser qui puisse le remplacer, disent leurs adversaires. Et ces derniers n'ont pas de peine à nous montrer quelle Europe ces nouvelles divinités nous ont faites, combien sinistres, combien différentes de celles que révèle au Père quand ils saluèrent à la fin du dernier siècle d'un tel cri de naïve espérance l'aube de la Révolution. Le suffrage universel, c'est-à-dire la tyrannie imbécile du nombre, le règne de la force sous sa forme la plus injuste et la plus aveugle, voilà le régime que la démocratie a établi partout où elle a triomphé. Elle a joint un furieux réveil des appétits d'en bas, un universel mécontentement du sort et la menace constante d'une révolte, de ce quatrième état de la misère et de l'envie contre une civilisation qui a promis la liberté, l'égalité, la fraternité et qui fait banqueroute à ses irréalisables promesses. Un maniement plus adroit de la nature, enfin connu avec exactitude, voilà le bienfait certain de la science. Mais qu'il est payé cher s'il est vrai que le nihilisme philosophique soit l'aboutissement dernier de ce gigantesque effort d'enquête sans conclusion possible. Acculée aujourd'hui à l'inconnaissable et contrainte d'avouer que sa méthode est impuissante à jamais démêler les causes derrière les phénomènes et la substance derrière les accidents, quel aliment apporte-t-elle à l'homme, cette science, sinon un pain d'amertume et un breuvage de mort? En développant à outrance dans l'homme moderne l'esprit d'expérimentation et de critique, elle a rendu la foi au surnaturel, presque impossible, à la légion innombrable des consciences moyennes. Et c'est l'addition de ces consciences moyennes qui forme ce que l'on appelle une conscience nationale. Aussi, quelle diminution d'idéal dans cette Europe contemporaine, quelle incertitude des convictions, et c'en est la conséquence nécessaire, quelle faiblesse incohérente des volontés. Quelle diminution du caractère, quel dérèglement de l'énergie, que de maladies morales, sans cesse renaissantes et de plus en plus fécondes en complications dans les dernières années de cette fin d'un siècle qui a tant souhaité de bien faire. L'idée de la race enfin, et qui semblait si généreuse, si logique aux éclairs du canon de Solferino, dans quelle menace de barbarie elle s'est résolue aujourd'hui que toute cette Europe du progrès n'est plus qu'une suite de camps retranchés, où des millions d'hommes attendent derrière des canons chargés l'heure stupidement criminelle, d'une extermination comme l'histoire n'en a pas connue. Oui, telle est leur besogne évidente à ces trois effrayantes ouvrières, qu'il est vain cependant de maudire, et coupable peut-être. Car il y a dans toutes les grandes forces irrésistibles de la société, comme dans celle de la nature, un caractère fatal et partant sacré. Dépassant la prévision de l'homme et son contrôle, elles nous apparaissent comme des émanations mystérieuses du principe même d'où découle toute réalité. Ce qu'elles ont d'irrésistible et d'illimité s'impose à notre acception, comme la naissance et comme la mort, comme le jour et comme la nuit. comme cette mer qui bat de sa lame le vaisseau où j'écris ces lignes. En présence d'une pareille nécessité, il n'est pas permis de désespérer, avant d'avoir étudié toutes les chances d'un plus heureux avenir. Je veux dire, avant de s'être assuré que les effets produits par ces causes implacables sont toujours les mêmes. Or, un pays s'est rencontré où ces trois forces si meurtrières, à l'autre vieux monde, ont été appelées à façonner de toutes pièces un univers nouveau. Un pays qui s'est constitué dès le premier jour en démocratie, et en démocratie scientifique, parce qu'il a dû employer à dompter une terre toute vierge, l'appareil le plus moderne des machines et de l'industrie. Un pays devant lequel le problème des races s'est dressé dès son origine, et qui s'y heurte encore à chaque instant, puisqu'il est un terrain d'alluvion pour toutes les nations d'Europe, d'Afrique et d'Asie, et qu'il lui faut faire vivre ensemble non seulement des Anglais et des Irlandais, des Allemands et des Français, mais des Noirs et des Jaunes avec des Blancs. Jusqu'à présent, il paraît y avoir réussi. Chaque année, sa population augmente, sa richesse grandit, ses villes poussent avec des énergies de plantes des tropiques. Il y a 40 ans, qu'était Saint-Louis, Saint-Paul, Minneapolis, qu'était Chicago elle-même. Aujourd'hui, c'est par 100 000, 200 000, 500 000 que se comptent les habitants de ces cités nées d'hier. Cette année, la plus étonnante d'entre elles vient d'ouvrir une exposition à laquelle elle a convié le monde entier. Et le monde est allé à ce rendez-vous. 25 000 hommes d'armée suffisent à ce peuple, qui prouvait cependant, voici moins de 30 ans, que les énergies militaires surabondent, en lui comme les autres. Et il est retourné, sitôt la lutte finie, aux travaux de la paix, avec la même rapidité qu'il avait mise à organiser l'outillage formidable de sa guerre. Comment savoir qu'une pareille nation existe sans ressentir la curiosité de regarder ailleurs qu'à travers les livres les conditions de cette existence? Comment perdre cette occasion d'éprouver sur place la valeur de cette société qui se prétend celle de l'avenir, qui est en tout cas une des possibilités de l'avenir? Je crois me rendre un compte assez exact par avance de ce qui me choquera dans cette contrée. Où manque la poésie du passé, moi qui ai tant aimé l'Italie, la Grèce, la Syrie, ces terres pétries de la poussière des morts. Je sais que je ne vais pas chez ceux de ma lignée d'esprit et de cœur, mais où n'irai-je pas, et chez qui, pour reprendre un peu de foi dans le lendemain de cette civilisation qui, chez nous, semble parfois à la veille de s'abîmer pour toujours. J'ai laissé passer 5 jours depuis cet après-midi de départ où je m'essayais à cette espèce de bilan intellectuel, qu'il est bon de dresser aux premières comme aux dernières heures d'un long voyage. Durant ce voyage lui-même, il faut être tout à la sensation présente. L'écrivain doit utiliser ses idées générales à la manière dont un peintre utilise le mur de son atelier. Il s'en sert pour accrocher des études que cette paroi soutient et qui la cache. J'ai donc oublié de mon mieux mes théories pendant ces 5 jours, comme j'espère les oublier pendant les mois qui viendront, et je me suis abandonné à cette vie de paquebot qui semble pareille à elle-même, sous tous les climats et sur toutes les mers. Pourtant, à y regarder de près, ce bateau-ci est déjà un coin d'Amérique, et un visionnaire demeure, y saurait démêler comme toujours le ton national, d'irréductibles petits traits où un peuple emprunte toujours sa physionomie. Qui a pu quitter un steamer de la compagnie péninsulaire, la classique PO de l'Égypte et des Indes, pour un vapeur des messageries, sans éprouver que toute l'Angleterre est déjà dans l'un et toute la France est dans l'autre? De même que toute l'Italie tient dans l'entrepont d'un des Florio qui cabote la côte de Gênes à Patras. Mais la condition pour bien discerner ces nuances est de connaître déjà les peuples. Voici à tout hasard le crayonnage de quelques-unes des visions que j'emporterai de cette traversée une fois finie. Bientôt donc. Nous avons marché si vite que, partis de Southampton le samedi dans l'après-midi, nous serons à New York demain vendredi au soir, malgré que la mer nous ait assaillis rudement de certaines heures, surtout dans ce milieu de l'océan, que les marins appellent le Devil's Hole, le trou du diable. Et quoiqu'à ce moment où je reprends mon journal de route, un brouillard s'épaississe sur cette même mer redevenue lisse, à peine moirée. Une houle de fond la soulève, d'une large ondulation paisible, tandis qu'une blanche et molle nuée enveloppe le bateau, si dense que d'une extrémité à l'autre, les objets et les personnes se fondent dans un vague tremblement de fantômes. La sirène, de minute en minute, perce cette vapeur de son appel strident, mais la vitesse de notre course n'en est pas diminuée d'un nœud. « C'est beaucoup plus sûr, m'a dit un de mes voisins de table. En cas de rencontre, le bateau le plus rapide coupe toujours l'autre. »